la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro. C'est KRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Et fidèle à nous-mêmes, on a deux belles heures de bon rock progressif à vous proposer jusqu'à minuit. Ce soir, c'est Michel et Bruno. On va commencer avec une petite pièce de Timeless, de temps, c'est de Watch. Évidemment, vous me voyez venir. C'est pour parler évidemment des deux concerts en fait que le groupe va présenter à la scène Le Bourgneuf, le 22 et le 23 novembre, donc un peu plus d'un mois, même peut-être on peut parler de 6 semaines, et avec en première partie un groupe de New York, Shadow Circus. C'est le Yellow Show dont on a pu déjà voir le groupe, je pense l'année dernière, c'était le Yellow Show, sauf erreur, oui. Et c'est le Yellow Show amélioré, donc avec des pièces en plus de A Trick of the Tail, Wind and Watering et même The Trespass. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que dans le cas de Wind and Watering et de Trick of the Tail, c'est des arrangements différents qui sonnent un peu début des années 70, mais avec la voix de Peter Gabriel. Donc, de là la formule, que se serait-il passé si Peter Gabriel était resté? On va le savoir le 22 et le 23 novembre. Donc, c'est ça, The Watch. On écoute justement, c'est une petite version d'une pièce qui n'est pas vraiment connue de Genesis, Let Us Now Make Love. On a quelques nouveautés ce soir, évidemment, dont Alan Reed, l'ex-chanteur de Palace, First in the Field of One, le nouveau Neil Morse, Pineapple Thief. Bref, vous voyez que vous avez bien intérêt à vous installer pendant 2 heures confortablement et à nous écouter. On commence donc avec The Watch, un extrait de Timeless, c'est la pièce Let Us Now Make Love. what music of my soul. Alone upon the windswept way descends the nightingale. She soothes to soothe my aching brow. Let us now in love. I beg you, hear this humble voice. Please, my emerald doctors, wash away the wounds. Alone, the pilgrim thirsts and falls. The queen runs to his car. She stoops to soothe his aching brow. Let us now in love. Just stand down and try to be one with so little the sick, the blind, turn gloomy for the knife. The prophets stoop to see their brow. Let us now in love. Make love. Make love. Let us make love. Sweet heavenly love. Just stand down and try to be one with so fair. Violet through the skylight. Raindrops who want to catch the falling raindrops. Bitter taste of acid on your fingers, which nothing can wipe away. Eating through the paintwork on the doorway. Tell me when it's too late to change. change the things that we do to a world full of hunger and pain. Making plans that will last till the end of our days. Don't say it's too late. There must be some kind of way to pull through. Will it be safer not to turn our backs on Mother Nature? She's bitter and she's twisted, become the enemy of man, and takes revenge whenever she can. Tell me when is too late to change the things that we do to a world full of hunger and pain. Plans that will last till the end of our days. Don't say it's too late. There must be some kind of way to pull Directement de Nashville, le guitariste et chanteur Shane Dwight sera de passage le 16 octobre au Grand Théâtre de Québec pour offrir en trio son spectacle 100 White Lies. Comptant déjà 7 albums à son actif, Shane Dwight propose un heureux mélange de blues, de rock et d'Americana. Maniaque de blues et de guitare, ne manquez pas Shane Dwight le 16 octobre au Grand Théâtre. Billets en vente sur Billetek ou au 643-8131. Une collaboration Le Soleil et CKRL. Avijam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avijam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avijam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avijam. Venez échanger vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avjam.com. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Pense au regard de la lune et à l'adolescence du soleil. Julo's Bokern, un océan pacifique, à Sentier Secret, mardi 9 octobre à 10h. Chaque fois qu'on a quelque chose de terrible qui nous arrive dans notre corps, c'est en même temps une porte vers quelque chose d'autre. Te souviendras-tu du temps où nous étions, toi et moi, si tant vivants, enroulés l'un dans l'autre comme des amants, dans la parfaite joie de vivre. Grand studio tout équipé, incluant micro, console de son, casque d'écoute et tapis mur à mur cherche homme ou femme pour animer une ou plusieurs après-midi d'automne. Demandez Tania au 418-640-2575, poste 210. Libre immédiatement. CKRL est là juste pour toi. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et nous voilà de retour. On va jeter un petit coup d'œil sur la dernière demi-heure. Ce qui a clôturé cette demi-heure musicale, c'était une formation américaine qui a pour nom Sirius B. Un extrait de leur deuxième disque cette fois-ci. D'habitude, on fait jouer le troisième, là, mais... Celui-ci n'est pas piqué des verres non plus. A Step Into Elsewhere, un groupe mené par le guitariste Bill Gillam. Et on avait avant Alan Reed, First in a Field of One. C'est le premier disque solo pour l'ex-chanteur de Palace. Ah, ben, moi, je le présente de même. C'est sûr qu'il y a un an et demi, deux ans, il a présenté un mini EP acoustique, qui c'était un peu comme, j'ai l'impression que c'était juste pour dire you, je suis encore ici, mais là c'est vraiment son vrai de vrai premier First in the Field of One. Il a invité plusieurs musiciens dont Kyle Wallner de RPWL, il y a le batteur de Scott Graham de Pendragon et bien d'autres. Donc c'est un exercice qui, ma foi, on peut peut-être penser encore un peu là, à Palace, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus personnel. Et puis, ben, c'est une belle surprise, finalement. Je pensais qu'il était pour continuer dans sa voix acoustique, mais non. C'est prog avec des couleurs un peu celtiques par moment. Et puis d'autres, là, enfin... C'est un disque à découvrir qui devrait, je pense qu'il est présentement, je pense qu'il est lancé, là, oui. First in the Field of One, donc Alan Reed. Et on avait débuté avec The Watch, Time Lost. C'était la pièce Let Us Make Love. D'ailleurs, j'ai quelques petites nouvelles au sujet de The Watch. Ils sont en studio présentement. Le disque serait quand même assez bien avancé. Toutes les pièces, toutes les pistes instrumentales sont enregistrées. Et, bon, comme Simone Rossetti m'a dit, il reste les paroles, mais lui, c'est sa façon de procéder. La musique est toute placée, il ne reste plus rien que les paroles. Et puis, ils ont bon espoir de lancer le disque pour le printemps 2013. Donc, malheureusement, ça ne sera pas, pas pour leur concert de 22 et 23 novembre à la scène de Bourgneuf. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous en présenter quelques extraits. Quoique, c'est assez, on est quand même assez près. Je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de tout fignoler ces paroles pour ça. Mais à tout le moins, on pourra peut-être lui demander une version instrumentale d'une nouvelle pièce. Et oui, quand le groupe, je vous rappelle, donc, sera le 22 et 23 novembre à la scène Le Bourgneuf pour leur Yellow Show, c'est-à-dire des pièces de Genesis, de Nursery Crime, et aussi de Trick of the Tail, Winter Wuthering et Trespass. Je pense que ça va être deux belles soirées. Et en plus, on va avoir l'occasion de voir pour la première fois à Québec un groupe de New York qui a pour nom Shadow Circus. Donc, je pense que... oui, je pense qu'on va avoir du plaisir ces deux soirées-là. On continue, nous, en musique avec... ça nous vient d'Italie. C'est tout chaud, là, ou à peu près. Un groupe qui a pour nom Mogador. C'est leur troisième disque. On a fait jouer régulièrement de leur deuxième. Celui-ci a pour titre Absinthe Tales of Romantic Vision. C'est une allusion à une certaine époque. D'ailleurs, il y a Baudelaire qui est cité dans ça. C'est évidemment l'absinthe, c'est la fameuse boisson illégale dont les poètes faisaient usage pour écrire leurs poèmes. Peut-être le LSD de l'époque. Donc, le disque est pas mal, c'est un thème. Donc, on écoute une première pièce de Mogador, Absinthe Tales of Romantic Vision. C'est la pièce Prometheus. Et puis, on a d'autres surprises aussi là, qui nous attendent, évidemment, pendant les 1h30 qui nous restent ensemble. C'est Bruno et Michel, et c'est Terra Incognita jusqu'à minuit. life was given between the suffering and the will, which torture where they cannot feel, and the inexorable ever, and the deaf tyranny of fate, the ruling principle of hate, which for its pleasure doth create the things it may annihilate. Thank you.

Look what you done. Won't you look at me just as once? So take it. We'll give it back to you. Your eye will give it back to you. Just give me give it back to you. And I will give it back to you. I will give it. I Pineapple Thief, en doutez-vous, si on a eu le bonheur d'y voir il y a peut-être 3 ans maintenant, dans le cadre de la convention Terra Incognita. Donc, c'est leur plus récent, All the Wars. Et si vous trouvez que ça rock, c'est pas tout le long comme ça, mais quelques pièces quand même là, qui sont dans les mêmes eaux. Et puis, si vous préférez le Pineapple Thief peut-être un peu plus acoustique, eh bien, l'édition limitée de All the Wars... un petit CD bonus et le groupe reprend toutes les pièces, pas dans l'ordre, mais dans le désordre, mais en version acoustique avec section de cordes et mélotronf. Bref, ça vaut vraiment le détour. Et puis, si vous êtes en mesure de vous procurer la version édition limitée avec double CD, mais n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Pineapple Thief, All the Wars. Et c'était précédé de Mogador, Absent Tales of Romantic Vision. On va vous revenir dans quelques instants avec M. Alan Reed de son premier disque solo First in a Field of One. Second extrait donc pour ce soir. Mais avant, on va vous faire entendre quelques petits messages d'intérêt public. Thank you, mate. Les vendredis à minuit, CKRL entre dans l'entropie sonique où le death metal augmentera votre fréquence cardiaque et vous fera headbanger. Le black metal vous fera voyager dans un monde où les sombres forêts font place au désert de glace infini. Au menu hebdomadaire de l'entropie sonique, des nouveautés, des bons vieux classiques, de la brutalité et de la harme audiophonique sans bornes. L'entropie sonique, tous les vendredis, minuit. À l'occasion du 40e anniversaire de la librairie Pantoute, pendant le festival Québec en toutes lettres, le Studio P présente Les Enfants d'Asimov, expo-vente de livres sur la science-fiction et le fantasy. Vous êtes collectionneur? Vous voulez partager votre passion avec le public? Un espace d'exposition vous attend du 12 au 14 octobre dans l'expo-vente Les Enfants d'Asimov au Studio P. Pour plus d'informations, écrivez-nous à spichet@commerciallibrairiepantoute.com. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est les spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. La 22e édition des rendez-vous Estrade du 4 au 8 octobre dans le quartier Petit Champlain. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la France, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Réveillon, Didier Lalois, Arba des Tornes, Les Folkloristes, Barbeau, Olivier Soucy et bien d'autres. Que faites-vous, fillette? Que faites-vous sur le tableau? Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Sometimes it's hard to get a handle. Sometimes it's hard to know what's right. Can't tell who is fun or who your friends are. You don't know who to trust or who to fight. You've never had to question someone's motives. Never look beyond the public face. Never thought to look beneath the surface and see the lies behind their cold embrace. The sun shines down in its usual way, but it casts no light over me. shines down and has nothing to say. Darkness has spoken to me. Beyond the strife, now the sun shines down. I've ripped out all that's left. I know those eyes are telling me we're dead. I can't, I cannot tell you why. I adore you, I can never tell you why. You're feeling this, I've never seen you act so cruel. As cruel as I can be to you. I can't, I cannot tell you why. I adore you, I can never tell you why. So I'm reaching out, I know that it's too late. So I'm reaching out, I know that it's too late. Terraced rows that crowd around the

CKRL. The bus was late and forced us all to congregate. 27 strangers made to stand and wait. 89.1. So that's why I'm late, my dearest one. What can I say? Tomorrow it could be the same when I do it all again. Québec. Directement de Nashville, le guitariste et chanteur Shane Dwight sera de passage le 16 octobre au Grand Théâtre de Québec pour offrir en trio son spectacle 100 White Lies. Comptant déjà 7 albums à son actif, Shane Dwight propose un heureux mélange de blues, de rock et d'americana. Maniaque de blues et de guitare, ne manquez pas Shane Dwight le 16 octobre au Grand Théâtre. Billets en vente sur Billettech ou au 643-8131. Une collaboration Le Soleil et CKRL. La Barberie. Parce que nous sommes différents. Pale ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. India Pale Ale. Stout impérial. La Barberie. Parce que nous sommes différents. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Et nous voilà de retour. Tout juste avant les publicités, on a entendu Third Degrees, une formation américaine. Un disque, plus ou moins récent là maintenant, de Long Division. Et c'était précédé par... j'ai de la misère à me relire, le croyez-vous? Oui, moi je le crois. Et c'était Big Big Train. À mon avis, probablement une des meilleures formations progressives là, britanniques qui maintient la tradition là, du prog des années 70. S'ils sont pas... Je mettrais quasiment à égalité le beau. Non, une petite coche au-dessus des Hit Bites quand même. Mais bon, vous avez deviné que c'est un de mes groupes préférés. Big Big Train, English Electric Part 1. On annonce la seconde partie pour le mois de mars, je pense. C'est ce qui est quand même assez court comme délai. Tout juste avant, il y avait Pineapple Thief. Je vous ai parlé tantôt là, du disque acoustique. C'est un extrait de ce disque acoustique. Le titre du disque, c'est More Wars. Ça fait partie là, de l'édition limitée du nouveau Pineapple Thief. Je sais pas si ça va être disponible très longtemps, mais enfin, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est le temps. Là, vous avez tout entièrement le disque au complet, mais tout en version acoustique. Donc, Pineapple Thief, c'est un extrait de More Wars, le second disque. Et on avait débuté avec Alan Reed, First in the Field of One. Belle surprise pour l'ex-chanteur de Palace. Ça promet, je pense, qu'il est vraiment parti du bon pied. Et on va oublier Palace, là, je pense, dans son cas. Il est en mesure de se débrouiller tout seul. Donc, Alan Reed, First in the Field of One. Dernière demi-heure déjà, les amis. Eh oui! Et ça passe tellement vite qu'on s'en rend même pas compte, moi puis Bruno. On a encore de la bonne musique, inquiétez-vous pas, il nous reste une demi-heure, on a encore de la bonne musique. Je pense qu'on va rester aux États-Unis cette fois-ci. On commence avec une formation qui a pour nom de Winter Tree. C'est leur second essai, le Guardians. Et puis on va voir aussi I and Two. C'est le projet là, du claviériste de Renaissance, Jason Hart. On retrouve sur ce disque-là John Calgano et notamment... John Calgano et Paul Bremner de Is. D'ailleurs, la pièce qu'on va entendre, les deux sont dessus. C'est assez symphonique, un peu dans la veine Camel, avec évidemment l'excellente guitare de Paul Bremner. Vous allez en voir, évidemment, dans quelques instants. Donc, je vous rappelle, dernière demi-heure pour Terra Incognita, Michel et Bruno avec vous jusqu'à minuit. Et évidemment, vous êtes à l'écoute de CKRL MF 89.1. Some no wind called come. Faithfully, though I may be mad, my heart is pure, and she knows me even more. My history, will I ever see this place again? Thank you. Once we laughed like children in the sun. Now we cry for summer's almost done. Come to me, make love to me through it all. I wish I could anesthetize my soul. I wish that I could learn some self-control. Compromise, don't criticize me. In between insanity and sense, waiting for someone to stand up in my defense. Turn out right.